ce que mon cœur lassait de tant d'ennuis, lassé de solitude, amoureux d'une fleur, un pleur dans sa nuit, la douceur d'une sœur. Aujourd'hui, auprès de vous, je viens jouer ma vie. Je vous offre mon temps, mes chagrins, mes tristesses. Je vous offre le gris des jours passés sans vous. Je vous offrirai bien des bouquets de promesses si je savais qu'un jour vous m'aviez pour époux. Je vous offre ce qui m'est resté de jeunesse, ces colliers de je t'aime que pour moi vous dressiez dans ces rêves lointains où vous m'apparaissiez, dans ces pays d'amour où vous étiez princesse. Je vous offre ces choses qui n'arrivent jamais. Je vous offre un printemps au plein cœur de décembre. Je vous offre chambre. Je ne veux rien de vous que votre main tremblante pour la poser captive, douce et frêle sur mon cou. Je ne veux rien de vous que votre âme confiante